Allô ? Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est l'adjoint au maire à l'appareil. Tout se passe bien dans le quartier ? Tout se passe bien ? Allô ? Il y a des petits, en ce moment, un petit souci de crevaison de pneus. Ah, vous allez, attendez, je note parce que nous sommes très vigilants à ce genre de dégradation. Vous avez donc ce problème ? Oui. C'est vrai, mais ça s'est passé régulièrement ? Bon, en week-end, là, en ce moment, ça fait deux week-ends de suite. Hein. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, les quatre pneus en plus. Hein. À ce point-là. Oui. Mais c'est-à-dire qu'ils vous les crèvent avec quoi? Alors, attendez, parce que je note, c'est important, ils vous les crèvent avec quoi? Ah bon, c'est pas, hein, si seulement on savait. C'est pas vrai. Alors écoutez, nous allons noter. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui surviennent ces derniers temps? Non, pratiquement pas. Non. Vous avez des bruits sur la ligne, madame? Bah oui, j'entends des gros mots. Des? Ah, il y a quelqu'un qui m'a dit je t'encule. Ah non. C'est pas la mairie, ça. Ah bah c'est pas la mairie qui va vous dire je t'encule, madame, je vous en prie. J'entends ça, ça fait deux fois qu'on me dit ça. Mais qui vous le dit? Bah je sais pas, justement. Attendez, est-ce qu'on peut, on peut écouter, voir s'il y a quelqu'un sur la ligne? Vous entendez quelque chose, vous? Alors j'entends plus rien maintenant. C'est chez vous, madame, que quelqu'un fait une blague. C'est votre mari qui a décroché mon le téléphone. Mari, c'est moi, monsieur. Tiens, ça recommence. Mais je l'ai entendu aussi, madame. Bah, c'est l'adjoint au maire qu'on me dit. Oui, enfin, c'est vous qui me faites une blague, vous savez. Non, vous non, pas... non, c'est vous qui me faites une blague. Vous savez, à la mairie. Non, non, écoutez, madame. C'est la radio, c'est. Non, non, non. C'est la radio. Quoi, c'est la radio, non? Quelle radio? Non, je m'étonnerais bien. Je sais pas, mais. Mais écoutez, ça peut pas venir de chez nous, madame. Allons. Attends, c'est qui ça? Allô? C'est qui? C'est pas Koué, ça, c'est qui? L'air de pigeon, je te retourne de ma Qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous êtes de qui? Vous êtes qui? Je suis l'adjoint au maire. Comment? Bon acteur. Non, vous n'êtes pas l'adjoint au maire, allons. Parmesan de bite. Parmesan? Parmesan de bite. Pourquoi j'ai dit parmesan? Parce que c'est chez vous qu'on a dit parmesan. Parmesan, j'en mangeais les pâtes ce midi. Ah, c'est quelle radio? Mais c'est pas une radio, pourquoi vous laissez monsieur l'adjoint au maire? L'adjoint au maire. Je vais aller le voir, l'adjoint au maire. Tu mets un pétard, l'adjoint au maire. Mais absolument, l'adjoint au maire fume des pétards. C'est interdit par la loi. Ah, oh, ma chérie, ta caisse, toi. Vous avez raison, madame, on n'a pas le droit, c'est pas bien. En tout cas, je vous fais des bisous. Ok. Et venez voir l'adjoint au maire, vous verrez. Oui, oui, je n'y manquerai pas. D'accord, il s'appelle monsieur Koué, venez le voir. C'est qui Koué? Mais toi de Koué. Voilà. Ah, ok, bien joué. Venez le voir, vous serez toujours bien reçu. Ok. Dans ton cul. D'accord. À bientôt. Chat. Je vous fais des bisous. On voit des places pour ton émission. Où est-ce que vous, savez où vous pouvez trouver des places? Non. Dans ton cul. À bientôt. Ça fait rire maman. Merci. À bientôt, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Et on vous enverra des places. D'accord, je vous fais des bisous. 4 places. D'accord, et vous les mettrez où? Eh ben, dans mon cul. Vous auriez pu les mettre sur la commode aussi, ou dans le tiroir. C'est plus pratique pour les redonner aux mecs à l'entrée après. Exactement. Allez, promis, on vous en envoie. Je vous embrasse. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Attention, des annonces. C'est pas moi. Hein. Et là, on a une compile. Hein. Il était pas beau celui-là, putain. Il était creux. Il était sale. Ouais, il était sale. Celui de Miko, il était rond. Le mien était. beau gosse. Voilà. On y retourne. C'était caverneux celui-là, en fait. C'était ça le terme. Ta gueule. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous savez que ça m'écœure vos rôles et vous le faites. Enfin, c'est vraiment... Je te jure que j'ai pas fait. C'est parce que j'ai pas fait gaffe. Mais c'est relou, quoi. Quand t'as jamais déjeuné avec nous le midi au bureau. Je te jure, sincèrement. Moi, j'ai pas fait gaffe. Non, mais c'est vrai, moi, je me rends pas compte. C'est le compresseur qui est trop fort. Je fais le lance-point PM. Tiens. C'est quoi cette odeur? C'est Cartman qui arrête pas de péter depuis tout à l'heure, personne le voit. Il colle son micro dans le cul. Pourquoi tu m'as appelé? Cécile, si j'étais toi, j'enlèverais mon casque. Oh non! Oui, mais elle va l'entendre quand même, hein! Sûr? On s'est renseigné, ouais. Non! Non! Non! Ah non, c'est pas vrai. C'est génial. Attendez, je vais essayer. Oh non, c'est pas vrai. Tu veux essayer? Ouais, il va falloir entendre l'oreille. Allez, vas-y. Tu peux faire un petit coup d'eau. Putain. Hein? Oh non! Attends, on a fait chacun un différent. Oh non, c'est un faux. C'est un faux, je crois pas. C'est un vrai? Cécile, à toi! Il était marécageux. Non, vous me faites trop peur. Vous me faites trop peur. Un chacun n'empêche, hein. Et à la ouais, même moi, j'ai les dents. C'est normal, t'as le micro. Ah, quelle belle phase. Bon, ça, je la garde. Elle est pour toi, Jérôme.